j'espère que le wifi est suffisant ou alors il y a un problème avec le truc. En général, la problème n'arrive jamais seul. Hein. On va essayer de prendre les choses calmement et je vais déjà avancer dans le cours en attendant que ça se télécharge, quitte à ce que je relance mon notebook de mon PC. Mais je vais repartir d'où je m'étais arrêtée la fois dernière, là-bas, et en espérant que ça apparaisse, c'est un miracle et ça revienne. Donc, où est-ce que j'en étais arrivée la fois passée? On avait abordé la question de la condition propre, et je vous avais brossé un petit peu les prérogatives qui existaient dans le cadre de la convention de Rome pour les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Et vous vous souviendrez que j'avais attiré votre attention sur le fait que c'était des catégories de titulaires de droits disparates. Donc ce ne sont pas des personnes qui accomplissent le même type de prestation, qui ont la même activité dans le monde artistique. Mais néanmoins, on les a regroupées pour des raisons assez claires. C'était le fait que toutes concouraient d'une manière ou d'une autre à la valorisation des œuvres et que aussi deux d'entre elles en particulier, voire trois, on peut inclure encore les artistes, étaient victimes d'un piratage des œuvres. L'objectif étant de doter, en tout cas, les producteurs et les organismes de radiodiffusion d'instruments qui leur permettent de lutter contre la contrefaçon. D'où la naissance et l'émergence de cette convention de Rome qui va consacrer un monopole également de droit en faveur de ces trois catégories de titulaires de droit, mais un monopole qui se veut un petit peu en deçà du monopole de l'auteur, parce que ce sont des personnes qui ne créent pas des œuvres, mais qui tout simplement les valorisent et en permettent la communication, souvent la communication économique. C'est-à-dire que c'est vrai que sans producteur, si vous faites une musique mais pas de producteur, c'est relativement compliqué. Maintenant, on peut mettre les choses en ligne. C'est pour ça qu'on a d'autres modes de partage. Il y a, en 1960, 61, on n'avait pas ces modes de partage. Néanmoins, pour autant, cette convention n'a quand même pas eu énormément de succès. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardée et que j'ai brossé ça rapidement parce que vous devez savoir qu'elle existe. Mais pourquoi est-ce que cette convention n'a pas eu tellement de succès? D'abord parce que les droits qu'elle reconnaissait aux artistes étaient des droits, comme je vous l'exposais, en deçà de droits, de véritables droits exclusifs. C'était des simples droits d'opposition. Et les droits qui étaient reconnus aux producteurs de phonogrammes, de son et aux producteurs et aux organismes de radiodiffusion, eux par contre ont eu davantage de succès, mais ne pouvaient être véritablement efficaces que si le pays qui souhaitait introduire ce type de protection avait préalablement à la ratification et signature de la convention déjà introduit ces dispositions dans son ordre juridique interne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si les dispositions en même temps dans le cadre de la Convention de Rome pouvaient apparaître intéressantes en ce qui concerne les producteurs et les organismes de radiodiffusion pour lutter contre la piraterie, une des conditions qui était posée par la Convention et qui a été à l'origine de son peu de succès était que les États qui y adhèrent aient préalablement introduit l'ensemble de la protection dans leur ordre juridique interne. Donc l'ensemble de la... Donc ils devaient être prêts d'autres termes, dans le rentre du juridique interne, il fallait transposer pour pouvoir signer et ratifier la convention de Rome. En général, c'est l'inverse qui se passe. On signe et on ratifie un texte international et puis on se met en ordre au niveau interne. Ici, c'était une condition préalable à l'adhésion à la convention de Rome. Ce qui a eu pour effet que, vous savez qu'on marche souvent, c'est un peu le bâton et la carotte, hein, c'est-à-dire que les États travaillent, que s'ils se sont engagés. Donc, le fait de devoir se mettre en œuvre pour, ou mettre à niveau pour ratifier la Convention de Rome, il n'y a pas beaucoup d'États qui ont fait ce processus inverse. Donc, la Convention de Rome a été délaissée. D'abord parce que c'est vrai qu'elle créait déjà un obstacle à son adhésion, elle-même. Ce n'est pas politiquement très malin. D'autre part, vous aviez des États qui ne souhaitaient pas reconnaître des prérogatives aux artistes interprètes. Parce que souvent, le représentant était influencé par les lobbies des auteurs qui eux-mêmes répugnaient à reconnaître des droits aux pédagogique a adhéré de façon extrêmement tardive à cette convention, ne voulant absolument pas l'intégrer dans son ordre juridique interne, estimant que le droit commun suffisait. Donc, le projet de droit commun, c'est le cadre général du droit, c'est le droit classique applicable. On se trouvait donc dans une situation où cette convention, pour des raisons diverses et variées, n'a pas rencontré le succès diplomatique espéré. Ah, voilà, il y a des qui sont apparus. Et, fort de tout cela, voilà, c'est déjà ça, on a progressé. Donc, fort de tout cela, au niveau international, on s'est retrouvé avec un système qui était extrêmement disparate au niveau du droit d'auteur, puisque on avait donc le système anglo-saxon qui reconnaissait le copyright, donc qui était un droit de s'opposer à la copie, un droit sur le support, et le système continental qui protégeait la personnalité de l'auteur et qui protégeait l'œuvre. Et entre les deux, on n'avait pas de pont au niveau international, on n'avait pas de véritable instrument qui concilie ces régimes de protection. On avait la Convention de Berne qui approfondissait le droit d'auteur, la Convention de Rome qui était délaissée par les États, et c'est ainsi qu'est né un troisième grand instrument international qui, il est vrai, n'a pas vraiment fonctionné durant ces dernières années, mais qui a été couronné de succès au moment de son adoption et qui était porteur d'espoir, en tout cas par les signataires, à cet accord, c'est l'accord de l'OMC ou l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, vous en avez certainement entendu parler parce qu'on vous dit aujourd'hui que l'accord CETA est un accord qui était nécessaire parce que l'accord de l'OMC n'a pas fonctionné. C'est ce que vous entendez sur le CETA pour justifier l'existence du CETA. Et bien à l'époque, c'était un peu la même justification. On vous expliquait que l'accord de l'OMC était indispensable. On l'appelait avant le GATT, parce que c'était l'ancienne organisation qui s'est substituée ensuite, qui s'est vue remplacée par l'Organisation mondiale du commerce. Mais à l'époque également, on entendait que la Convention de Berne, en tout cas en ce qui concerne les droits intellectuels, les droits d'auteur, était totalement insuffisante pour garantir une protection internationale. Et qu'il fallait dès lors avoir un instrument plus efficace qui soit plus adapté à l'évolution technologique et qui, quelque part, le complète ou le remplace. D'où l'émergence de l'accord de l'OMC, qui serait le seul à faire le pont entre les systèmes, le système continental du droit d'auteur classique humaniste et les systèmes anglo-saxons du droit d'auteur d'un certain nombre de pays au monde. Bon, je laisse comme ça, parce que en fait, sinon je perds trop de temps. Bon, on va. Si vous ne me suivez pas, vous m'arrêtez. Je reprends. Donc on se trouve dans une situation où on déplace l'ensemble des textes internationaux dans une enceinte qui est purement économique, qui est l'enceinte du GATT, le prédécesseur de l'OMC. Le GATT, c'est le General Agreement on Tariff and Trade. C'est une grande organisation économique au niveau international, remplacée par l'Organisation par la suite mondiale du commerce. Et Et au sein du GAC, on va être confronté en matière de droit d'auteur à un changement de préoccupation manifeste. Car le nom de l'organisation le dit bien, la préoccupation, c'est uniquement une préoccupation qui est commerciale. On n'est pas du tout, dans le cadre du GAC, préoccupé par des considérations culturelles. Donc on va d'emblée pratiquer le droit d'auteur ou appréhender le droit d'auteur ou les autres droits de propriété intellectuelle, d'ailleurs qui seront traités, comme des instruments nécessaires au commerce et pas comme des instruments qui vont protéger des créations d'esprit. Donc il y a une approche qui se veut très orientée produit, commerce et volonté d'assurer une libre concurrence. C'est un peu paradoxal quand il y a des droits de monopole. Des droits de monopole sont, au contraire, c'est la négation de la concurrence. Mais l'idée est quand même d'essayer de trouver un système harmonisé, entre guillemets, ou un système en tout cas, on ne va pas dire harmonisé, mais homogène au sein des États avec une sorte de minimum international qui favorise le commerce entre les États. Donc, l'instrument qui sera adopté est un instrument qui ne vise pas à promouvoir la création. C'est un instrument qui vise à promouvoir le commerce et qui vise également, qui vise à promouvoir le commerce, à promouvoir les investissements. Puisque qui dit commerce dit protection des investissements, protection du travail qui est effectué par le producteur, par l'entreprise et qui, dans une certaine mesure, nécessite une valorisation économique. Et rien de tel pour valoriser économiquement un investissement qu'un droit de propriété intellectuelle. Hein. Parce que le droit de propriété intellectuelle a le grand avantage d'apporter à l'entreprise qui investit une protection en contrepartie de son investissement. Donc ici, c'est cet enjeu qui est poursuivi dans l'enceinte du GATT. Et c'est donc une stratégie très libérale qui est lancée et qu'il convient de répondre d'emblée. Comme je vous l'avais déjà exposé, vous avez des réticences qui surgissent de la part des défenseurs du droit d'auteur ou de la part des délégations qui se veulent protectrices de l'organisation, enfin, protectrices des travaux au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc le bureau spécialisé de l'ONU, qui gère la Convention de Berne. Très vite, une série de délégations se posent la question de savoir mais pourquoi déplacer un débat international dans une nouvelle enceinte qui risque de dénaturer en définitive le droit d'auteur construit déjà depuis plus d'un siècle au sein de l'Union de Berne. Et les arguments qui ont été avancés parmi ceux que je viens d'évoquer ont prévalu, et surtout l'argument donc relatif au développement technologique, mais aussi l'argument selon lequel il n'y avait pas, dans le cadre de la Convention de Berne, il n'y avait pas de règlement des différends. Vous remarquerez que c'est également ces fameux règlements des différends à propos desquels on parle beaucoup dans le CETA. C'est ça aussi qui est à l'origine des conflits, notamment autour du CETA. Ici, c'est le règlement des différends qui apparaît comme un instrument majeur pour résoudre les problèmes du commerce international et pour éviter les entraves. Ce que la Convention de Berne ne permet pas. Il est vrai que la Convention de Berne prévoit bien la possibilité de recourir à une juridiction, donc on ne peut pas dire qu'elle ne prévoit rien en cas de litige ou en cas d'obstacle, mais ce qu'elle prévoit est éminemment théorique et n'a jamais été mis en œuvre depuis toute l'histoire de la Convention. Pourquoi ? Parce qu'elle prévoit la compétence de la Cour de l'AE, qui est une cour internationale, mais qui est bien connue, hein, qui fonctionne bien, mais qui en matière de droit d'auteur n'a jamais été utilisée et n'a aucune jurisprudence, n'a aucune expérience. Et donc en cas de non-respect de la Convention de Berne ou en cas de problème entre certains États membres, on se trouvait dans une situation de bons offices menée par le bureau spécialisé de l'ONU qui gère la Convention de Berne, mais il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de véritable solution coercitive, pour la bonne et simple raison que la Cour de l'AE n'était jamais saisie. Et pour quelle raison la Cour de l'AE n'était jamais saisie? Parce qu'il n'y avait pas de sanctions à proprement parler dans la Convention de Berne. Donc on pouvait théoriquement saisir la Cour de l'AE, mais n'avait pas de moyens de sanctionner ou de remédier, d'obliger un État à remédier à cela. Tout se faisait sur une base, tout devait se faire alors sur une base qui se voulait diplomatique ou qui se voulait consensuelle. Et donc aucun État, qui a, même lorsqu'il constatait des manquements à la Convention, notamment dans le chef des États-Unis, aucun État n'a saisi la Cour de l'Haye. Donc l'attirance d'un mécanisme vers un mécanisme des différends a conduit la carence du développement technologique dans la loi, le fait de ne pas refléter à travers dans la Convention les divergences technologiques, les développements technologiques selon les États, a amené à ce que l'on revoit la façon de procéder et que l'on modernise d'ailleurs les dispositions en matière de règles des différends dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Dans le cadre du GATT, il y avait bien un mécanisme, la Convention de Berne, comme je vous dis, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sanction, juste une compétence. Mais dans le GATT, il y avait des mécanismes pour pouvoir prendre certaines sanctions. Néanmoins, la procédure de règlement des différends au sein du GATT était apparue comme étant comme inefficace, ou en tout cas peu adéquate. Pourquoi ? Parce que cette procédure requérait l'unanimité à l'époque, et qui dit l'unanimité disait que l'État qui était défaillant était jugé parti parce qu'il devait voter pour la sanction qu'on lui imposait. Donc c'était absolument absurde. Que, imaginez, vous n'avez pas voté pour une sanction qu'on vous impose. Hein. Ou alors, ça peut arriver, mais je veux dire, ça implique vous devez être parti, il faut l'unanimité, donc il faut une acceptation de la sanction par celui-là même à qui elle doit s'appliquer. C'était donc une étrange procédure qui avait été fixée, contentieuse, qui avait été fixée dans le cadre du GATT. L'État était à la fois juge et parti, l'État défaillant. Ce qui a conduit à ce que l'on revoie de manière globale le règlement des différends au sein du GATT. Évidemment, le message qui a été apporté au niveau international consistait à dire on a remédié au règlement des différends au sein du GATT. C'est un règlement qui est efficace, on va aller dans l'OMC avec quelque chose de très pratique, et ce sera très utile en matière de propriété intellectuelle et en matière de droits d'auteur, parce que la Convention de Berne est complètement inefficace pour régir tous les blocages en matière de dysfonctionnement et d'application de cette convention. Et ça a été un des facteurs d'attraction de l'Union européenne, qui s'est laissé en quelque sorte attirer par le plaidoyer des États-Unis en la matière, et qui a estimé qu'effectivement, si on voulait favoriser sur le marché européen plus de fluidité en matière de droits d'auteur et permettre une certaine homogénéité de la protection, favoriser les échanges commerciaux, c'était sans doute une bonne idée que de réfléchir différemment à l'évolution internationale du droit d'auteur au sein donc du GATT et puis de l'OMC. Ce qui a immédiatement eu pour conséquence, la convention a été adoptée à l'OMC, ce qui a eu, ce sont les fameux accords de Punta del Este, ce sont les accords qui, après de Marrakech en 1991, ont été que vous trouverez sur Internet, d'accord, sur le commerce, et ceci a eu pour conséquence que deux systèmes vont coexister au niveau international en matière de droits d'auteur. Deux systèmes vont coexister, d'une part la Convention de Berne, protectrice humaniste dépendant des Nations Unies, et d'autre part le système de l'OMC dit de Marrakech, qui lui a officiellement une prétention différente, mais comme on le verra et on examinera, à la fois des avantages au niveau de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, mais comporte néanmoins de nombreux désavantages si l'on tient compte de l'acquis de la Convention de Berne. Clairement, cet accord est un équilibre, un compromis entre l'Europe et les États-Unis sur les différents systèmes de protection. Ça a eu pour effet d'affaiblir en partie le système continental. Ça a eu, à l'inverse, l'avantage de trouver une sorte de pont entre le système américain et le système européen, si on peut les simplifier de la sorte. Alors, voyons un petit peu comment faire et où étaient les difficultés. Nous avions donc du côté, quel est l'apport de cet accord? Nous avions donc du côté européen un système hybride de droit d'auteur sur une création et d'autre part des droits dits voisins reconnus dans certaines législations, dans certains États membres, sur les prestations des artistes, les producteurs de phonographes et les organismes de radiodiffusion. Donc nous avions, en quelque sorte, un système bicéphale. On distingue chez nous clairement la création des prestations liées au support ou à la valorisation de la création. Jusque-là, vous me suivez ? Ça va, c'est pas trop vite ? Vous êtes bien gestion culturelle ? Ça va ? Ok. D'autre part, de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez un seul système. Un système de copyright qui est droit sur le support, comme je l'ai dit, et qui est un droit qui, souvent à l'origine, est détenu par le producteur. Donc, la notion d'auteur est extrêmement floue et vague. Je dirais qu'elle est peu présente dans le système juridique du copyright. Elle peut exister à travers les guildes qui représentent ces syndicats d'auteurs, mais la législation elle-même est fondée sur la protection de l'industrie et donc en pratique du producteur. Comment, du coup, tisser un lien, comment, dans un accord international, introduire un système bicéphale face à un système qui est tout à fait différent dans sa conception philosophique et économique? Par l'adoption, notamment, de vocables et de concepts un petit peu différents. Là où nous parlions dans les pays continentaux de droits d'auteur et de droits voisins de droits d'auteur, au niveau international, on va, donc, si on traduit ça, c'est copyright, mais ça, ou author's right, plutôt, hein, selon la notion continentale du droit d'auteur, c'est le droit de l'auteur, donc on va le traduire comme étant l'author's right, et les droits voisins, c'est le neighboring right. Par contre, au niveau du côté outre-Atlantique, on parlera de copyright. Et la notion de neighboring right est considérée comme malvenue, parce que le neighboring right est déjà recouvert par le copyright. Donc ce qu'ont admis les États-Unis, c'est une notion plus neutre qui s'appelle les droits connexes, plutôt que de parler de droits voisins, et qui sont les related rights. Rainier a essayé d'élargir, au fond, le droit d'auteur à des droits connexes, tant maintenant donc une distinction droit d'auteur, droit de l'auteur et droit connexe, et à côté de ça, le copyright. C'est une manière pour les États-Unis, sur le plan formel, de ne pas reconnaître qu'ils ont admis au niveau international une hiérarchie entre leurs droits. Une manière de reconnaître, comme nous le faisions, il y a une hiérarchie claire, malgré tout en droit d'auteur et en droit voisin. Les droits voisins sont moins puissants que le droit d'auteur. Aux États-Unis, il n'était pas question de pouvoir introduire cette hiérarchie. Donc, on devait requalifier les concepts pour les neutraliser en quelque sorte et permettre à leur système juridique d'accueillir une catégorie qui pour eux ne représente rien, d'où la notion de related right. Donc, vous voyez déjà comment est-ce qu'on négocie, comment on transforme, tout est dans la transformation juridique, comment est-ce qu'on transforme des statuts à travers des concepts qui se veulent plus neutres et qui perdent dès lors d'une partie de leur contenu et qui perdent dès lors d'une partie de leur signification. Donc, qui sont le compromis pour arriver à tisser un pont entre les deux systèmes qui coexistent au niveau mondial. L'idée était effectivement de ne pas pouvoir imposer. L'idée était qu'un pays, qu'un bloc n'impose pas son système à un autre. Il fallait donc être créatif et ingénieux et innover en quelque sorte et prévoir quelque chose de différent pour que ce soit un véritable compromis et qu'il n'y ait pas que personne ne fasse en quelque sorte et donne le sentiment qu'il ait abandonné son propre système. Ce qui était particulièrement important au niveau international, c'était de distinguer ce qu'on va appeler les clauses transversales des clauses verticales. Vous savez qu'en droit, on peut soit avoir des clauses qui s'appliquent à tout un accord ou des clauses qui règlent point par point. point de façon verticale, qui règle de façon matérielle, qui règle point par point une série de situations, d'œuvres, de la matière de la propriété littéraire et artistique. Alors, les clauses horizontales, ce sont donc des clauses qui ont vocation à s'appliquer à la totalité de l'accord. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas régler une œuvre en particulier ou un statut particulier, mais ce sont des clauses qui sont transversales dès lors qu'elles se veulent englobantes et elles se veulent dès lors générales. Et parmi les clauses transversales, on trouve les clauses classiques dont je vous ai déjà parlé, c'est les piliers notamment de la Convention de Berne, c'est notamment le traitement national, mais c'est aussi la clause de la nation la plus avancée. Au niveau international, on se posait la question de savoir est-ce qu'on va adopter la clause du traitement national, de l'assimilation de l'étranger au national. Est-ce qu'on va adopter la clause de la nation la plus favorisée ou non? Dès lors que, même si on avait introduit la notion de droit connexe, cela impliquait en quelque sorte qu'on assimile l'étranger au national, par le traitement national, ou par la clause de la nation la plus favorisée, que le bénéfice que l'on accorde à une série d'États, on doit l'étendre aux autres États membres de l'accord. Et c'était extrêmement important sur le plan économique. Parce que si j'applique le traitement national, je vais assimiler et faire bénéficier, par exemple, à un auteur américain, tout le bénéfice d'une protection étendue européenne. Et si j'applique, je me passe du point de vue européen, si l'auteur européen n'a absolument pas droit à la même ou même type de protection aux États-Unis, puisque la législation n'est pas aussi étendue, donc le traitement national, en fait, il n'est véritablement intéressant que pour les auteurs américains qui viennent en Europe, ou quand je dis en Europe, c'est au sens large, hein, c'est au niveau du Conseil de l'Europe, au sens large, puisque nous avons les législations les plus rémunératrices et les plus protectrices du droit des auteurs, c'est pas tellement intéressant à l'envers. Et d'autre part, en ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée, comme nous accordons à toute une série d'États, notamment en Europe, des avantages, nous devrions dès lors les accorder à tous les États partis à l'accord sur le commerce. Le principe de la clause de la nation la plus favorisée, j'étends mes avantages à tout que j'accorde à certains, j'étends ces avantages à toutes les parties à l'accord. Là aussi, on se trouve dans une position complexe, parce que c'était tout le régime européen des droits d'auteur qui se trouvait menacé. Dès lors que, soit on le maintenait, on était obligé de l'accorder à tous les autres membres de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, soit on le réduisait parce qu'on ne voulait pas l'accorder en application de la clause de la nation la plus favorisée. C'était donc un grand risque pour les négociateurs européens que de se lancer dans des clauses transversales et d'accepter, vu les déséquilibres de protection et les déséquilibres de rémunération, et les déséquilibres économiques dans la volonté de protéger et de rémunérer les auteurs, ces clauses transversales risquaient de totalement, au fond, de totalement détruire les systèmes de droits d'auteur pour des raisons économiques, au motif que les États n'étaient sans doute pas en mesure de rémunérer tous les auteurs étrangers comme ils rémunéraient les auteurs de leurs propres nationaux ou les ressortissants qui étaient assimilés à leurs nationaux. Et ce que l'Union européenne a obtenu, c'est des dérogations à ces principes. Elle a obtenu une dérogation extrêmement claire à la clause de la nation la plus favorisée. Il était prévu que cette clause ne s'appliquait pas au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle, d'ailleurs. Et elle a obtenu également des dérogations plus limitées au traitement national pour certaines matières particulières. Donc, c'est pas une exception généralisée pour le traitement national, mais c'est pour certains points en particulier. Donc c'est une exception générale pour la clause de la nation la plus favorisée, pas de clause transversale. Donc je suis encore capable d'accorder, par exemple, dans des accords, prenons un exemple concret pour que vous puissiez visualiser à quoi ça correspond. Quand l'Union européenne a des accords avec le Canada, par exemple pour la production de films, ou pour soutenir la création de scénarios ou de réalisateurs dans le cadre de Eurimage. Il y a toute une série d'apports qui est fait, il y a toute une série d'avantages qui sont accordés, que ce soit en matière de production, de subvention, mais aussi en matière de droit. C'est encore possible aujourd'hui, et il n'est pas à la suite de cet accord-ci, il n'est pas obligatoire pour l'Union européenne d'accorder tous les avantages qu'elle accorde au Canada à l'égard de toutes les parties contractantes au sein de l'Organisation mondiale du commerce, grâce au fait que la clause de la nation la plus favorisée n'est pas applicable, une exception complète à l'application de cette clause. Vous me suivez ou pas? Je vous vois vos... Oui, ça va? Ou non? Moi, ça va un peu vite. Ça va un peu vite, j'ai un peu mécanique. Qui n'a pas compris? Je vois les visages qui se rétracent, c'est pas grave. Je termine le traitement national et j'y reviens. Quant au traitement national, j'assimile l'étranger au national. Ça, vous êtes habitués déjà, hein, on a vu dans la Convention de Berne, je l'ai vu longuement. Cette assimilation de l'étranger au national, elle est acceptée. Donc, on va assimiler un auteur américain à un auteur européen. Mais on a quand même prévu des domaines d'exception où ça ne s'appliquera pas. Et c'est notamment dans le domaine de la... on va appeler la copie privée, c'est-à-dire la taxe qui s'applique sur les cassettes, les supports sur lesquels on fixe les films ou les disques, le son. On estime effectivement que des exceptions doivent pouvoir intervenir, en tout cas en ce qui concerne les droits des auteurs et des producteurs, des artistes et des producteurs. Il n'y a pas de traitement national en matière de copie privée qui est accepté. Ce serait coûter beaucoup trop cher à l'Union européenne que de payer les droits aux producteurs américains qui sont déjà extrêmement présents sur le territoire européen. Donc s'il fallait appliquer tout le régime de protection en matière de droits voisins aux producteurs américains et aux artistes américains, on se retrouvait suite au déséquilibre de la présence sur le territoire, puisque en matière audiovisuelle, on peut dire que plus de 90% environ des films américains occupent le marché européen, entre 85 et 90. Ça voulait donc dire que 90 à 85% des droits voisins étaient rétrocédés aux États-Unis, rémunéraient la création américaine, et c'était plus du tout. On échouait donc complètement par rapport à l'objectif qui était poursuivi par les législateurs de l'Union européenne. Donc on ne souhaitait absolument pas que ce traitement national puisse valoir et aboutir à rémunérer l'industrie du film déjà assez riche américaine au détriment de l'industrie européenne. Donc des exceptions ont été introduites au niveau du traitement national. Donc voilà donc des exceptions totales pour la clause de la nation la plus favorisée et ponctuelles pour le traitement national. Avant d'aborder les dispositions matérielles et les dispositions... Mais évidemment, je reviens et je vais répondre à vos questions. Évidemment, juste encore un petit point avant de voir vos questions. Quand l'Union européenne obtient ça dans la négociation, si elle veut maintenir sa propre politique, ça a un prix. Et ce qu'on verra, c'est qu'au niveau international, l'Union européenne va devoir abandonner sa position dans certains domaines précis du droit d'auteur. Par exemple, le droit moral, là où les États-Unis ont toujours été opposés au droit moral et là où ils ont repoussé leur adhésion à cette convention à cause du droit moral, ils ont obtenu au sein de l'accord de l'OMC que le droit moral soit littéralement abandonné. Donc, ce que l'Union a obtenu d'un côté, elle l'a perdu dans certaines dispositions matérielles, et notamment à propos de prérogatives essentielles de l'auteur. D'accord ? Donc, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas tout acquérir et tout gagner dans les conventions internationales. Néanmoins, je pense que ce n'était peut-être pas à ce point... je pense que le compromis était pour finir n'était pas un si mauvais compromis. Si on voit l'accord maintenant avec le recul. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est le moment, hein, je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Oui, donc il y a une oui. Alors, je ne comprends pas comment directement on est passé avec le. De traitement national, etc. Enfin, mais les clauses transversales, c'est donc la clause de la nation la plus favorisée, le traitement national. Parce que, comme dans la Convention de Berne, ces clauses, enfin la clause de traitement national, s'applique à toutes les dispositions de la Convention. Donc c'est une clause transversale, elle transverse, enfin, elle balaie tout l'accord. Donc c'est pas une clause, la clause verticale, c'est une clause qui est matérielle, qui s'applique à un objet en particulier, à un cas, une situation particulière. Physiquement, vous le voyez, hein, une clause transversale, ça traverse une ligne. Ça va, ça? Oui. Avec les selles, c'était plus ça, parce qu'effectivement, c'était serré, c'était, mais je vous les avais fait. Hein. C'était présenté de manière peut-être plus compréhensible. Il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'ai un gros niveau des désavantages, en fait, des accords de Marrakech. Oui, ça, j'y viens. Ça, c'est rien. Ça, je vais les analyser maintenant. Parce que je les ai introduits, mais... Autre chose? Non? Tout est clair pour les autres étudiants? Bien sûr. Deuxième rang là. Clair, c'est clair? Oui, ça va. D'accord. Très bien. Donc, alors, voyons les clauses verticales. Les clauses verticales, eh bien, ce sont donc les clauses qui sont propres au droit d'auteur. On retrouve dans au niveau international. Donc on va partir de la Convention de Berne. Et ensuite, on va petit à petit comparer ce qui existe dans Berne. Et ce qui a été ajouté dans le cadre de l'accord de l'OMC. En quoi est-ce que l'accord de l'OMC a fait progresser la protection au niveau international, ou en quoi est-ce qu'au contraire, l'accord de l'OMC a apporté des bémols, voire a introduit des régressions par rapport à la protection internationale. Tout cela influe évidemment sur le droit interne de manière considérable. C'est la raison pour laquelle doit être bien compris et bien maîtrisé. Au début des négociations, qu'est-ce qu'on a pu constater? On a constaté que beaucoup d'États membres de l'Union européenne n'étaient pas liés par la même version de la Convention de Berne. Donc, comme je vous l'avais exposé, la Convention de Berne a évolué au fil du temps. Elle a fait l'objet de révisions. Elle a été remaniée, puisqu'elle a été adoptée en 1886, et donc elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'elle a fait l'objet de conférences de révision pour s'adapter à une certaine évolution plus technologique. Néanmoins, les États n'ont pas adhéré aux mêmes actes liés à ces conférences de révision. Donc, certains États étaient liés au texte de Bruxelles, d'autres étaient liés au texte de 1948, d'autres étaient encore liés au texte de Rome, qui était des années 20. Donc on se retrouvait, il y en a qui étaient liés à la version de 1971. Donc on se retrouvait, même au sein de l'Union européenne, avec d'importantes divergences par rapport à la reconnaissance que la manière d'appliquer la Convention de Berne. Donc on a mis, malgré tout, c'était une demande de l'Union européenne, on a mis de l'ordre dedans. Ça, c'est quand même un apport important du... c'est que cet accord que vous trouverez sur internet, hein, donc vous pouvez aller chercher sur le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, renseignement GATT. On pourrait l'avoir à l'examen. Oui, vous pouvez prendre tout le texte. Et donc premier élément intéressant, c'est que il est prévu à l'article 9 de l'accord que les États, donc c'est un article qui traite des rapports avec la Convention de Berne, donc l'accord établit que les membres vont se conformer aux dispositions 1 à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne, donc il y a très oublié en voie de développement, dans sa version de 1971. Donc c'est la dernière version à l'époque. Donc les États se conforment à la Convention, aux actes de la Convention de Berne, aux articles 1 à 21 et à l'annexe, qui est oublié en voie de développement, dans la version et dans l'acte de la Convention de 1971. Ça va signifier quoi? Ça va signifier que désormais, comme à l'époque, les 117 États membres du GATT, certains n'étaient pas au nombre des 102 États liés à la Convention de Berne, cela va impliquer que désormais, certains membres du GATT sont forcés à respecter les dispositions de la Convention de Berne. Donc on élargit, si vous voulez, au niveau international, l'impact de la Convention de Berne. Ensuite, deuxième élément intéressant, c'est que, et ça concerne, je dirais, pas seulement les pays membres du GATT, ça concerne aussi les États qui ont ratifié la Convention de Berne, c'est qu'ils doivent prendre en considération la version la plus récente un niveau. Tout le monde, donc tous les États membres du GATT de l'époque, de l'OMC, adhèrent à la Convention de Berne, la respectent et prennent la disposition qui est prévue. Un impact important au niveau de l'Union européenne, puisqu'on n'y était pas encore arrivé. Et donc on a à ce moment-là une belle homogénéité. Ça a eu aussi pour effet que des États, donc comme l'Indonésie, la République de Corée, ont été obligés d'adhérer à la Convention de Berne. C'était des centres de contrefaçon. Je ne dis pas que c'est plus le cas, ça reste des centres de contrefaçon. Mais néanmoins, symboliquement en tout cas, même si ce n'est pas toujours respecté en pratique, ces États ont adhéré à la Convention de Berne et respectent en principe le régime de la propriété intellectuelle. C'est combien c'est compliqué de respecter la propriété intellectuelle dans des économies qui ne sont pas toujours en équilibre. Néanmoins, c'est quand même une avancée au niveau des principes et petit à petit, les choses se mettent en pratique de toute façon. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment violer la loi. Donc, on a vu ainsi des pays qui étaient des comptoirs de la contrefaçon adhérer et ratifier, signer la Convention de Berne. Le prix à payer pour tout ça, le prix à payer de tout cet équilibre, de cette obligation d'adhérer à la Convention, de prendre la version la plus récente, c'est le droit moral. Le droit moral qui a été combattu par les producteurs américains, notamment soutenu par les républicains, aux États-Unis, et même les démocrates à terme, et qui était absolument opposé au droit moral, parce que pour eux c'était une parfaite hérésie. Devoir reconnaître aux auteurs, on a vu le droit moral à la paternité, on a vu le droit moral à l'intégrité, donc vous pouvez vous imaginer qu'un droit moral à l'intégrité peut déranger considérablement des producteurs américains. Exemple, on voit bien qu'un étudiant me donne un exemple, en quoi le droit moral peut déranger des producteurs américains. Ils font souvent des modifications, les producteurs ne peuvent pas garder l'intégrité. Si par exemple, je vais parler d'un exemple de droit d'auteur dérivé, s'ils se basent sur s'ils achètent les droits d'auteur de, je sais pas, Game of Thrones et qu'ils l'adaptent en série et qu'ils changent, par exemple, les épisodes, etc., ils changent dans la narration, mais quelque part, en fait, ils ne pourraient pas le faire si le droit à l'intégrité de l'auteur était présent, voilà. Était appliqué. C'est ça. Et c'est un bon exemple, d'autant plus que dans les législations européennes, on reconnaît un droit moral aussi dans les législations nationales, pas au niveau international, mais au niveau national, on reconnaît un droit moral à l'artiste interprète. On reconnaît à l'auteur, mais on reconnaît aussi un droit moral aux artistes. Dans la plupart des législations continentales européennes, l'artiste interprète, comme c'est une personne physique, a un droit moral sur ses prestations. Donc pour l'industrie du film, c'était une hérésie que de reconnaître ces droits moraux et d'empêcher la réalisation, par exemple, du film dans le domaine audiovisuel, c'est manifeste, d'empêcher le producteur de faire ce qu'il veut. Puisqu'aux États-Unis, le producteur est titulaire du copyright, il a les droits, se voir embarrassé par les revendications morales d'auteurs et d'artistes, par cette reconnaissance au niveau international, apparaissait comme un frein mais insoutenable à son activité. Donc les États-Unis, lors de la négociation avec la délégation européenne, ont mis un veto relatif aux droits d'auteur. Et c'est là que les Européens ont été assez malins pour pouvoir dire, mais si vous mettez un veto au droit moral, il faudra le compenser de façon substantielle parce que vous touchez à un pilier majeur de la protection du droit d'auteur continental. Il faudra, dès lors que nous puissions revenir dans nos États, et la Commission devait faire rapport au Conseil, elle n'avait qu'une compétence partagée, donc on n'avait pas encore le traité de Lisbonne avec la possibilité de donner certains mandats exclusifs. En matière de négociation commerciale, en tout cas en matière de propriété intellectuelle et de domaine culturel, la Commission devait revenir et se justifier par rapport aux membres du Conseil. Et donc, la demande de la commission a été de dire qu'il nous faut des importantes garanties, à l'inverse, d'importantes compensations pour abandonner le droit moral. Sinon, jamais nous n'aurons la défense de la France, de la Belgique, de l'Italie, de toute une série d'États qui sont des défenseurs, même de l'Allemagne, des droits moraux. Et c'est ainsi donc qu'on a obtenu les dérogations en matière de la clause de la nation la plus favorisée, c'est ainsi qu'on l'a obtenu en matière de traitement national, c'est ainsi qu'on l'a obtenu par cette obligation d'adhérer à la Convention de Berne, c'est ainsi qu'on l'a par ailleurs obtenu dans l'une ou l'autre encore disposition en brevet, en marque, il y a eu des croisements dans différentes matières pour pouvoir rééquilibrer cette énorme demande, malgré tout très symbolique. Et l'on trouve donc à l'article 9 de l'accord cette très importante dérogation qui dit que, qui énonce que, il n'y aura que les membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6 de la Convention de Berne ou les droits qui en sont dérivés. Vous vous souviendrez que l'article 6 c'est le droit moral. Donc les membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6. Donc, il n'y a pas de droits ni d'obligations en ce qui concerne le droit moral. Je vais peut-être faire une pause de 5 minutes puisque je vous ai dit que je donnais cours jusqu'à 4 heures aujourd'hui. Et donc, ça vous permet donc de voilà, de bouger 5 minutes et puis je vous reprends. Respect donc de droit national. Donc, après l'abandon du droit moral, on a voulu, dans le cadre de l'OMC, introduire certains éléments et tenir compte, comme le souhaitaient les États, notamment de l'Union de Berne, mais là aussi, il y avait un accord entre pays industrialisés, de ne pas reconnaître de droit d'auteur sur les idées. Qui est universelle, mais il y a souvent des confusions qui existent dans le chef, souvent des personnes, mais parfois des juges, selon lesquels la protection du droit d'auteur pourrait s'étendre aux idées ou au contenu. Plusieurs reprises, je vous ai bien expliqué que la protection du droit d'auteur était centrée sur la forme, la structure, et ne dépendait pas, donc, ne portait pas sur le contenu. Donc, ni les idées, des méthodes. Et l'on retrouve ce principe dans exprimé pour la première fois au niveau international de façon assez claire à l'article 9, paragraphe 2, qui prévoit que la protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement, concepts mathématiques en tant que tels. Donc, pas de protection des idées, pas de protection des méthodes. Pas de protection de concepts mathématiques en tant que tels, de formules, hein, entendez formules mathématiques, et pour cause, parce que ce serait sinon accorder un monopole sur ce qui est essentiel à la progression de la science et de même au développement de toute forme d'art ou de toute forme de manifestation, d'expression de façon générale. Donc c'est ce principe qui n'existe pas qui n'est pas affirmé dans la Convention de Berne, qui n'est pas affirmé dans les lois nationales, est un principe majeur en matière de droit d'auteur que nous retrouvons dans notre droit national, mais qui est pour la première fois exprimé de façon très claire dans une convention internationale qui rassemble quand même, à l'époque, qui rassemblait quand même 112 États. Donc il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Pour répondre à la demande économique des États-Unis, on va trouver des choses un peu particulières dans l'accord. On va trouver, et là vous verrez, c'est comme ça, l'accord reflète la négociation économique, elle reflète le besoin économique de certaines industries, et on va retrouver l'existence de la protection des programmes d'ordinateurs. Les programmes d'ordinateurs n'apparaissaient pas comme étant en tant que tels protégés à l'époque dans la Convention de Berne. Les États-Unis produisant et fabriquant beaucoup de programmes d'ordinateurs souhaitaient que leur industrie soit protégée et ont obtenu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce une protection des programmes d'ordinateurs et des compilations de livres. C'était une demande importante pour la sauvegarde de leur industrie. Alors, cette protection, cela étant, ne va pas s'étendre aux données elles-mêmes. Donc, vous retrouvez toujours cette idée que l'on fait la distinction entre support et contenu. Donc, les données en tant que telles ne sont pas couvertes par le droit d'auteur. Et ce qui est intéressant également, c'est que la protection par le droit d'auteur peut exister pour des bases de données, des compilations de données qui regroupent des simples données. Les bases de données sont protégées même lorsqu'elles regroupent des simples données et pas nécessairement si elles regroupent des œuvres. Donc, souvent, l'on avait appliqué le principe de la protection des compilations d'œuvres. Par exemple, une anthologie peut apparaître comme une forme de compilation d'œuvres, parce que ou les recueils, donc par le choix et la forme ou la structure du recueil, on peut estimer qu'il y a eu une création, un apport intellectuel, et que ce recueil mérite la protection. Mais, sous l'empire de la Convention de Berne, les recueils étaient protégés lorsqu'ils comportaient des œuvres. Avec un lien sur le contenu. Ici, au niveau international, à la demande des États-Unis, les bases de données, que ce soit électroniques ou que ce soit des bases de données littéraires, comme les recueils, peuvent être protégées même si elles ne regroupent pas des œuvres, même si elles ne regroupent que de simples données. Ça signifie donc qu'une base de données météorologique, par exemple, par le choix de sa structure, par l'organisation de sa structure, de son thésaurus, par exemple, peut se voir protégée par droit d'auteur, même si elle ne comporte que des simples données, des simples informations. La base de données Reuters, qui comporte toute une série d'informations financières, est une base de données qui est protégée au niveau international par la... est une base de données qui peut entrer dans le champ d'application matériel de l'accord de l'OMC. Sauf que cet accord s'applique aux États et pas aux entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est que le champ même couvert par cet accord couvre bien ce type d'activité économique. Alors, par la suite, l'Union européenne va se doter, elle aussi, d'une protection particulière sur les bases de données. Dans la foulée de la négociation de l'accord de l'OMC, l'Union européenne va souhaiter aller au-delà de ce qui est prévu dans la Convention de Berne, mais va souhaiter que tous les États introduisent dans leur ordre juridique interne la capacité de protéger des compilations de données, comme c'est le cas au niveau international. Ça, puisque ils avaient cet engagement au niveau international qui est appliqué et qu'on le respecte en interne. Donc, protection élargie pour les programmes d'ordinateur. Les programmes d'ordinateur sont assimilés aux œuvres littéraires. Et d'autre part, les bases de données sont elles aussi protégées, même si elles ne contiennent que des données. Donc c'est toute une industrie qui est protégée par un droit de monopole et qui va petit à petit, c'est ce droit de monopole qui va être introduit alors dans l'Union européenne, où l'on disposait, cela étant au moment des négociations, on disposait déjà de travaux très aboutis sur la protection des programmes d'ordinateur comme œuvre littéraire aussi. On dit que ce n'est pas une œuvre littéraire, mais c'est assimilé aux œuvres littéraires. C'est un autre processus d'écriture, si vous voulez. Bon, c'est une façon un peu particulière. On aurait pu imaginer une protection sous IDF, une protection donc adaptée ou spécifique aux programmes d'ordinateur, mais on a souhaité les assimiler par extension aux œuvres littéraires, ce qui leur confère, évidemment, c'est pas idiot, parce que ça leur confère une protection extrêmement étendue. Les programmes d'ordinateur sont protégés, c'est ce que voulait l'industrie, de façon bien trop longue, puisque c'est comme un roman, donc c'est 70 ans après la mort de l'auteur, alors que beaucoup de programmes sont frappés d'obsolescence assez rapidement. Mais bon, c'était la demande de l'industrie, et le moyen à trouver était malin pour donner un maximum de protection à l'industrie. Pour ceux qui défendaient cette thèse-là, c'est vrai que c'était, bien sûr, c'était, pour moi, c'est complètement inadapté, mais c'était malin de trouver ce truchement de l'œuvre littéraire. Toujours à la demande des États-Unis qui souhaitaient voir aussi d'autres produits commerciaux protégés, d'autres choses que donc d'éviter de lutter contre le piratage, un droit de location a été introduit pour les programmes d'ordinateurs et pour les films. Donc la location commerciale est également couverte par le droit d'auteur au niveau international. Vous voyez comme les droits sont disparates, hein. On ne parle pas du droit de reproduction, on ne parle pas du droit d'exécution, comme on l'a vu dans la Convention de Berne. On parle de petits droits isolés, localisés, qui sont nécessaires à l'économie, à une certaine économie de pays industrialisés. Donc droit de location, certaines œuvres technologiques, comme les compilations de données ou les programmes d'ordinateurs, et droit de location commerciale pour rentabiliser toute cette forme d'utilisation à domicile des films et des programmes d'ordinateurs mis en location aux États-Unis. Nous, on ne pense pas qu'on ait tellement développé la location des programmes d'ordinateurs. Pas de souvenir de ça, peut-être, mais par contre, la location de films était quelque chose qui a donné lieu à la location sur le marché américain. C'était quand même assez important de couvrir cette forme d'exploitation par le droit d'auteur pour préserver les revenus de l'industrie de l'époque. Aujourd'hui, ce qui perturbe davantage l'industrie du film, c'est le streaming, comme vous le savez, c'est toutes les façons de pouvoir lire les films et les programmes de façon pirate, puisque c'est quand même fortement développé sur le web. Et même s'il y a des actions, ce n'est pas nécessairement facile à juguler. Donc voilà le principe en ce qui concerne les droits. Donc il y a de nouveaux droits qui sont introduits, il y a de nouvelles œuvres qui sont introduites, et comme si ce n'était pas suffisant, on a aussi permis d'introduire des exceptions qui n'existaient pas dans la Convention de Berne, et notamment des exceptions au droit d'exécution. Donc on ne retrouve pas ces grands droit de reproduction, droit d'exécution dans l'accord de l'OMC, mais on va retrouver malgré tout un intérêt pour le droit d'exécution par la voie d'exception au droit d'exécution. Cette exception au droit d'exécution va se retrouver à l'article 13 de l'accord. Ne va pas mentionner le droit d'exécution en tant que tel, mais qui va évidemment faire référence implicitement et notamment au droit d'exécution, parce que cet article est rédigé de façon tellement étendue que lorsqu'on le compare à la possibilité d'introduire des exceptions dans le texte de la Convention, avec le texte de la Convention de Berne, on se rend compte que ici, c'est le droit d'exécution qui est en plus inclus par rapport à ce qui existe dans le cadre de la Convention de Berne. Vous vous souvenez que dans le cadre de la Convention de Berne, vous avez exposé les exceptions en droit de reproduction et le fait qu'il ne pouvait pas y avoir, que les États pouvaient introduire des exceptions en droit de reproduction, mais qu'ils ne pouvaient pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni porter préjudice aux intérêts, ni porter préjudice de façon injustifiée aux intérêts légitimes de l'auteur. Vous voyez ça ? Mais une fois qu'on respectait ces deux critères et ce verrou, les États pouvaient introduire des exceptions au droit de reproduction. Ce type d'exception au droit de reproduction n'existe pas pour le droit d'exécution. Ce sont des exceptions très ponctuelles qui existent dans la Convention de Berne pour le droit d'exécution. On ne retrouve pas cette clause générale qui permet des exceptions pour autant que ces conditions soient respectées. À propos du droit donc d'exécution, on ne trouve ces exceptions que pour le droit de reproduction. Dans l'accord de l'OMC, on va trouver une clause tout à fait large qui autorise aussi ce même type d'exception pour les autres types de droits et en particulier, bien entendu, l'autre droit majeur qui est le droit. droit d'exécution ou le droit de communication au public. Car l'article 13 est très général. Il dira que, donc, il énonce que les membres restreignent les limitations des droits exclusifs ou les exceptions à certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur de droits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a complètement étendu le régime d'exception qui existait dans la Convention de Berne uniquement pour le droit de reproduction aux autres droits patrimoniaux d'auteur, et notamment, et en particulier, surtout celui qui était visé ici, c'est le droit d'exécution, le droit de communication publique. Donc on a, dans le cadre de l'accord de l'OMC, la capacité pour les États de déroger, d'introduire donc des limitations ou des réserves sous les mêmes conditions, pour ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur pour tous les droits patrimoniaux. Ce qui est évidemment, une exception importante. Importante parce que ça permet d'aller plus loin que ce que prévoit la Convention de Berne. Donc on se trouve ici en porte-à-faux, en quelque sorte, à deux niveaux avec la Convention de Berne. D'une part, où est-ce que vous voyez un conflit éventuel avec la Convention de Berne ? Vous exposer. S'étendre aux droits de représentation, mais c'était vraiment très très limité, alors qu'ici ben, ça va tellement s'étendre que ça va toucher tous les droits patrimoniaux de l'auteur. Non, d'accord, mais vous le posez bien, vous dites bien, il y a déjà ça comme premier problème. Et deuxième problème, donc les accords de l'OMC vont beaucoup plus loin dans le régime d'exception. C'est ça. Mais et l'autre cas d'exception majeur, c'est le droit moral. Hein, le droit moral. Donc on se voit ici dans un régime effectivement de large exception possible, hein, parce qu'il faut quand même accepter, respecter les critères qui encadrent ces exceptions. Et donc ça veut dire qu'on peut amenuiser l'instrument même du droit d'auteur. On peut en faire un droit qui n'est pas un droit d'autorisation préalable. On peut en faire peut-être, dans certains cas de figure, un droit qui est un droit tout simplement à rémunération, ou on peut en faire une exception complète, dans certains cas de figure, on peut passer outre au droit d'auteur. C'est ça, les régimes d'exception. C'est plusieurs niveaux d'intensité pour l'exception. Et comment est-ce qu'on règle cette intensité d'exception ? Mais en fonction d'une appréciation de l'exploitation normale de l'œuvre et du préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. En fonction de ces critères-là, on peut voir si on peut en faire un droit à rémunération, si ça peut être une exception au sens large du terme, sans rémunération. Simplement, on passe outre là. Il n'y a plus de droit d'auteur, en quelque sorte. Ça veut donc dire qu'on fait quand même, on peut découdre le système. Le système si on l'applique et si on ne veille pas à respecter les verrous mis par l'accord international. Donc comment concilier cela avec la Convention de Berne en définitive, dont à propos de laquelle je vous avais indiqué que la Convention prévoit que les États ne peuvent conclure des accords qui vont en deçà de ce qui est prévu avec des États tiers, en deçà de ce qui est prévu dans la Convention de Berne. Donc, ils ne peuvent pas aller en deçà du niveau international prévu par la Convention de Berne. Donc, tous les États qui ont conclu les plusieurs interprétations possibles, il y a le fait de dire ben, c'est un autre accord, et au niveau international, tant pis, l'ex postérieure de Fogat, donc la loi postérieure, on peut encore comprendre le latin, la loi postérieure déroge à la loi antérieure. Donc, on a donc tous les États membres de l'Union de Berne sont dans le cadre de, sont dans le cadre de l'OMC. On pourrait dire qu'ils ont tous admis qu'on déroge à la Convention de Berne. Néanmoins, ça semble contredit par la disposition qui prévoit que les États s'engagent à respecter les articles 1 à 21 de la Convention de Berne. Je vous ai lu le premier article de base et dans la version la plus récente. Et alors, ce qui a été introduit par les négociateurs européens pour essayer de préserver la Convention de Berne est une disposition qui est à l'article 2, paragraphe 2 de l'accord et qui dispose que qu'aucune des dispositions des chapitres 1 à 4 de l'accord de l'OMC ne dérogeront à l'obligation que les États peuvent avoir l'un à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne. Donc, pour éviter, si vous voulez, et tenter de respecter la Convention de Berne dans les relations entre États liés par la Convention de Berne, qui négociaient au GATT, mais qui étaient antérieurement liés par la Convention de Berne, les négociateurs européens ont imposé aux négociateurs américains un fameux paragraphe 2, prévoyant que aucune des dispositions des chapitres 1 à 4 de l'accord ne dérogeront aux obligations que peuvent avoir l'un à l'égard des autres, que les États peuvent avoir l'un à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne. Or, les articles, l'article 13 fait partie de ce chapitre 2, de la partie 2 de l'accord de l'OMC. Donc, on pourrait considérer qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 de l'accord, on ne peut pas déroger à ce qui est prévu dans le minimum conventionnel de la Convention de Berne. Ça veut dire que les États qui, lorsqu'ils ont négocié, les États qui étaient déjà liés à la Convention de Berne, restent liés à la Convention de Berne lorsqu'ils négocient l'accord GATT. Et donc, dans leur relation entre eux, ils ne pourraient appliquer que le standard de l'Union de Berne et ne pourraient pas aller en deçà. Pour les États tiers qui n'étaient pas liés par la Convention de Berne, on pourrait estimer peut-être que ces États-là peuvent appliquer les dispositions dérogatoires de l'OMC. C'est une possibilité d'interprétation. Mais ce que ça vous montre, c'est que l'accord n'est pas clair du tout. C'est-à-dire qu'il déroge à bien des égards à la Convention de Berne pour faire plaisir aux États-Unis. Par ailleurs, les négociateurs européens obtiennent néanmoins l'insertion d'un article 2, paragraphe 2, semble sauvegarder les dispositions de la Convention de Berne et qui prévoit qu'en tout cas les chapitres 1 et 4 ne dérogeront pas aux obligations qu'ils peuvent avoir l'un à l'égard des autres en application de la Convention de Berne, ce qui veut donc dire que ceux qui étaient liés à la Convention de Berne lorsqu'ils ont adhéré au GATT et signé cette annexe sur le droit d'auteur ne peuvent pas déroger aux engagements antérieurs qu'ils ont pris. Et donc restent entre eux, dans leur relation entre eux liés par la Convention de Berne, c'est une option possible. Mais une autre option possible, c'est d'estimer que cet accord est un accord ultérieur et que néanmoins, dans les dispositions spécifiques qu'il énonce, il peut déroger à la Convention de Berne par l'application d'un autre adage qui est l'ex spécialiste des régates. Ça va ? Je ne vous ai pas retenu, ça, vous étiez en gestion culturelle, mais je vous montre simplement la complexité du raisonnement qui montre qu'on a voulu faire plaisir à tout le monde et que chacun, en définitive, va appliquer les règles qui lui conviennent. Avec pour résultat, ce que, fondamentalement, cet accord international a été appliqué, mais il n'a pas été couronné de succès. Ça, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu des actions. Violation de l'accord, parce que cet accord introduit un règlement des différends. Donc il y a bien un mécanisme de traitement de manquement à l'accord du GATT, à l'accord de l'OMC. Mais néanmoins, il y a eu très peu de mesures véritablement efficaces qui ont été prises dans le cadre du règlement des différends. Ce qui fait dire à pas mal de spécialistes de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en particulier qu'au fond, l'apport de l'OMC, qui était si prometteur à l'époque en termes de convergence des systèmes, de règlement des différends, s'est avéré relativement inefficace. Alors, quand je dis prometteur, pour le commerce, je ne parle pas de prometteur pour la défense du droit d'auteur tel qu'il existe. La disposition sur le droit moral. Okay. Ah, c'est tout. Donc on prévoit qu'on ne peut pas déroger aux engagements qu'on a vis-à-vis de la Convention de Berne, sauf si on y déroge précisément dans l'accord. Okay, d'accord. Donc c'est une exception d'exception. Spécifique. Voilà. Okay. On pourrait estimer qu'en principe on respecte, sauf dérogation particulière. Là, c'est toujours le principe que on a la règle générale, sauf exception. Et on applique le droit dans le temps, et donc c'est la dernière convention qui a le pas sur les précédents, parce qu'elle rassemble les mêmes membres. Bon, voilà un petit peu pour ce droit international. Alors, que retenir de ce droit international en droit national? Eh bien, pas mal de choses. Le droit international nous amène... que se comprenne la Convention de Berne ou l'accord de l'OMC. Aujourd'hui, il y a l'accord du CETA. Je veux juste encore un petit mot qui prévoit pas mal d'éléments sur la propriété intellectuelle, mais bon, ça concerne que le Canada, tandis qu'ici, on est avec 117 États. Donc, c'est conséquent. Hein, soit l'Union de Berne, soit l'OMC. Que dire ? Mais le droit international va apporter au droit national plusieurs éléments. Et le droit national a bien sûr nourri le droit international à la paix. Mais que retenir comme principe effectif et efficace? Un, on va retrouver le principe qu'il n'y a pas de protection sur les cités, qui est affirmé, pas dans la Convention de Berne, mais qui est affirmé dans l'accord de l'OMC. Deux, on va trouver, grâce à la Convention de Berne, on va trouver une liste non exhaustive d'œuvres et critères de protection, quel que soit le mode ou la forme. Une liste énumérative des œuvres, des exemplatives, mais qui n'est pas exhaustive, des œuvres. Et on va trouver dans l'accord de l'OMC, on va trouver des nouvelles catégories d'œuvres par rapport aux catégories traditionnelles, notamment compilation de données, programme d'ordinateur, qui ne se trouve pas dans la Convention de Berne. On va aussi, dans les conventions internationales, trouver des grandes prérogatives. Droit d'adaptation, droit de retransmission par câble, qui est énoncé, comme je vous l'ai dit, dans l'article 11 bis de la Convention de Berne. Et on va retrouver dans l'accord international de l'OMC des droits de location pour les programmes commerciaux, pour les programmes d'ordinateurs et pour les ordinateurs. Enfin, on va trouver dans les conventions internationales des régimes d'exception aux droits d'auteur. Plus limité dans la Convention de Berne, c'est-à-dire que là, on trouve des droits de citation encadrés, on trouve des limitations pour les événements et comptes rendus, pour les éléments d'actualité, les comptes rendus des éléments d'actualité. Dans le cadre de l'OMC, on trouve des exceptions très larges possibles. Donc, à la fois pour tous les droits patrimoniaux. Voilà le cadre international dans lequel s'insère le droit national. Le droit national va tirer parti de cela, de façon au fond assez, je dirais qu'il y a un tronc commun très important entre le droit national et le droit international, et il y a des spécificités qui existent. Si j'en viens à la notion d'œuvre en droit national, et si j'en viens donc aux critères de protection de l'œuvre, je vais m'aligner sur la Convention de Berne. Je vais m'aligner sur la Convention de Berne qui va influencer la jurisprudence des juges et qui va influencer l'interprétation des différents textes législatifs qui existent en droit belge. Alors aujourd'hui, on a eu toute une série de textes en droit belge. On n'en a pas eu tellement parce que notre première loi sur le droit d'auteur a survécu voilà, elle durait plus d'un siècle. Donc on peut dire qu'elle n'a pas survécu aussi, mais elle a duré plus d'un siècle. Donc on peut dire aujourd'hui, quelles sont les lois? On a le code de droit économique qui s'applique, et ce sont les lois du 10 et 19 avril 2014 qui ont codifié les dispositions en matière de droit d'auteur. Donc ce sont les lois du 10 et 19 avril 2014 qui ont codifié les dispositions en matière de droit d'auteur. Et ce sont ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Comme le prévoit l'arrêt royal du 12 juin 2014. Donc, on a deux lois, 10-19 avril, et on a une entrée en vigueur au 1er janvier 2015 par un arrêté royal du 12 juin 2014. Là, c'est le cadre. Ces dispositions-là insèrent donc dans le code, le fameux code de droit économique, qui franchement n'est pas une réussite, mais en termes d'utilisation, ce code de droit, parce que tout est de façon tout à fait déconcertante, découpé en livres, en chiffres romains, on avait des lois tellement claires et simples dans le passé, aujourd'hui on va conjuguer à la fois des chiffres romains et des chiffres arabes pour s'y retrouver. Ouais, donc je peux vous dire que c'est pas vraiment un grand exercice de codification du ministre Van de Lannoth, mais bon, on y est, et donc on est bien obligé de travailler avec ça. Et ce code de droit économique, par ailleurs, n'est pas totalement dans toutes ses dispositions en matière de droit d'auteur, il manque encore l'un ou l'autre arrêté d'exécution. Je vous le dis juste pour que vous le sachiez. Mais vous ne devez pas, pas le retenir, mais il n'est pas totalement applicable pour certaines dispositions. Et on reste du coup encore lié à certaines dispositions de l'ancienne loi du 30 juin 1994. J'attire l'attention ici des juristes pour qu'ils ne se disent pas que tiens, la loi du 30 juin 1994, qui était le texte antérieur au code de droit économique, est totalement inapplicable. Elle reste appliquée pour certaines dispositions, puisqu'il n'y a pas d'arrêté d'exécution pour le coup. On est prêt pour toutes les dispositions du code de droit économique. Qu'ont fait les juges? Et donc si on voit maintenant, un, la notion d'œuvre en droit national, et deux, la notion d'auteur. Que font les juges? Comment évolue la jurisprudence? Que font les juges? Qu'a fait le législateur en matière d'œuvre? Qu'a fait le législateur en matière de qualité d'auteur? En ce qui concerne la notion d'œuvre, le législateur belge n'a jamais défini l'œuvre. Il n'a pas dit ce qu'est une œuvre. Depuis toujours, le législateur n'a pas décidé ce qu'est une œuvre. Il a, par certaines formes d'énonciation, visé certaines catégories d'œuvres. Mais, par exemple, des œuvres littéraires, des œuvres artistiques. Mais il n'a pas donné les critères de l'œuvre au sens propre du terme. Première chose. Deuxième chose, il n'a pas non plus donc défini l'œuvre, ni les critères qui présidaient à la naissance de celle-ci. Il a tout simplement, à certains moments, cité, on trouve certaines dispositions qui font référence, par exemple, à l'originalité. Une œuvre littéraire orientera les références à la notion d'originalité, comme on la trouve dans la Convention de Berne, d'ailleurs. Mais comme, je vous l'avais exposé, le législateur belge, en 1953, avait décidé de rendre la Convention de Berne applicable au conflit entre auteurs belges et ne la réservait pas à des situations d'extranéité, donc applicable entre un auteur belge et un auteur étranger, mais bien à des conflits entre auteurs belges, la Convention de Berne a eu ses lettres de noblesse et a été appliquée comme du droit belge. Donc on a, nous, dans la jurisprudence belge, appliqué la Convention de Berne et tiré parti dans tous nos conflits, bien souvent, les énonciations qui pouvaient exister au sein de Berne pour la notion d'œuvre. Comme la Convention de Berne énonce ce qu'est une œuvre à l'article 2, vous avez lu la liste, vous vous souvenez qu'elle est assez longue, elle n'est pas petite, mais les juges ont appliqué souvent la Convention de Berne en reconnaissant que telle ou telle création est bien une œuvre au sens de la Convention de Berne, le législateur belge ne définissant pas ce qu'est une œuvre. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose de ne pas définir l'œuvre? Non, c'est une bonne chose, puisque les œuvres étant évolutives, ce serait absurde de définir l'œuvre. Cela étant, la jurisprudence a, en se fondant à la fois sur la Convention de Berne et en tenant compte de la jurisprudence française, la jurisprudence belge, la Cour de cassation a quand même été amenée à devoir établir quel est le critère de protection d'une œuvre. Quand est-on confronté à une œuvre, la Cour de cassation, qui est notre Cour suprême, a quand même énoncé des critères larges, qui abstraits, qui permettent d'encadrer la notion d'œuvre. Et ce faisant, elle s'est inspirée de la Convention de Berne, en partie, mais elle a fait également une œuvre personnelle, si on peut dire, si je puis dire, elle a quand même fait une création personnelle en essayant de définir et de guider les juges dans la manière dont ils qualifiaient certaines créations d'œuvres ou non, pour leur permettre de considérer qu'il a requis que des créations soient réalisées, mais qu'elles ne soient pas des œuvres au sens du droit d'auteur, même si elles peuvent paraître nouvelles, novatrices, et bien elles peuvent ne pas être éligibles au droit d'auteur. Et pour ce faire, la Cour de cassation a rendu une série de décisions, je ne vais pas toutes les analyser, mais ce qui est intéressant de voir et de comprendre, c'est que les décisions auxquelles la Cour de cassation a été confrontée sont comme par hasard liées à des situations pratiques relatives à des œuvres limites, c'est-à-dire des œuvres à propos desquelles on pouvait poser la question de savoir, et qui sont donc, la question est donc montée en cassation, on pouvait se poser la question de savoir est-ce qu'on est quand même bien fait l'œuvre, parce que c'est quand même un peu bizarre la protection qui est réclamée. Et c'est apparu à propos de photographies de machines et de produits. Donc là, vous vous rendez bien compte que des photos de machines ou de produits, est-ce que c'est bien une œuvre au sens du droit d'auteur? On sait, on pourrait discuter du point de vue, on va dire, un enfant dirait, un adolescent dirait, une belle photo de machines ou de produits, on ne voit pas l'apport en matière de propriété littéraire et artistique. On l'a vu également dans un litige relatif à des catalogues de fournisseurs de pièces détachées. Là aussi, est-ce qu'un catalogue, un livre, on sait qu'un livre est protégé par le droit d'auteur, mais un catalogue de fournisseurs de pièces détachées, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est protégé par le droit d'auteur? Où est l'apport? Où est l'aspect créatif? De même, une photographie, les photographies ont toujours souvent dérangé les juges. Une photographie d'une œuvre artistique, mais qui elle-même n'était pas artistique, est-ce que c'est protégé par droit d'auteur? Des dessins faits à l'ancienne, est-ce que c'est protégé par droit d'auteur? Et la Cour de cassation a parfois hésité. Elle a, dans les années 80, en 89, elle a posé les critères de façon relativement claire de la protection. Elle a donc été assez, elle a été assez clairvoyante dans la façon de raisonner. En 2012, elle s'est complètement trompée. Alors, quand je dis complètement trompée, c'est qu'elle a complètement contredit la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et elle en est revenue en 2014 à respecter la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Tout ça pour vous montrer que la justice est humaine. N'est-ce pas, même au niveau de la Cour suprême. Alors en 1989, elle va asseoir vraiment sa jurisprudence. Parce qu'avant, on trouvait toutes sortes de critères dans la jurisprudence. C'était l'empreinte de la personnalité de l'auteur, on va garder d'ailleurs. C'était le reflet de l'arbitraire. C'était l'empreinte originale. C'était la griffe de l'artiste. C'était l'inspiration créatrice. C'était toute une série de concepts qui, quelque part, étaient assez proches, mais on ne savait pas toujours s'ils se superposaient, s'identifiaient, ou s'il y avait des champs d'application parfois pas tout à fait identiques. Et la Cour de cassation a un peu surpris tout le monde en 1989, quand elle est venue avec dans une affaire qui était rendue le 27 avril 1989. C'était à propos, d'une photographie de machine, et à l'époque la Cour appliquait encore la vieille loi du 22 mars 1886 dont je vous ai parlé lors du premier cours, quoi, qui avait quand même été rédigé au même moment où l'on travaillait à l'élaboration de la Convention de Berne. Donc, la Cour de cassation en 1989, appliquant la loi de 1886 à des photographies de machines, dira, en définitive, pour qu'une œuvre soit une œuvre au sens de droit d'auteur, il faut, mais il suffit, qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur. Donc il faut, mais il suffit, qu'elle soit l'effort intellectuel de son auteur. Donc vous voyez qu'il y a la notion d'effort intellectuel, le centre des préoccupations de l'auteur. Il faut, mais il suffit, qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur. Condition indispensable, donc l'effort intellectuel, pour donner à l'œuvre le caractère d'individualité, donc condition indispensable de l'effort intellectuel, pour donner à l'œuvre le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création. Donc il faut un effort intellectuel, c'est la condition indispensable pour conférer un caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création. C'est une forme de syllogisme, c'est un syllogisme pour le sens propre du terme. Mais donc la Cour va, en 1989, requérir l'effort intellectuel comme condition réellement indispensable à l'individualité de l'œuvre, permettant de juger que c'est une création. Et donc, en pratique, elle va vérifier s'il y a un effort intellectuel qui est de nature à permettre d'individualiser l'œuvre de l'auteur, de lui conférer, de lui reconnaître un caractère d'individualité qui fera que le produit ou ce qui a été réalisé peut devenir, au regard du droit d'auteur, une véritable création. Et elle considérera que l'arrêt de la Cour d'appel qui avait estimé que la photographie n'était pas artistique et n'était pas éligible au droit d'auteur était illégal et qu'il faisait donc une erreur en droit. Il l'interprétait de façon illégale parce qu'il ajoutait le critère de la valeur artistique, critère qui n'est absolument pas pertinent pour décider de l'éligibilité au droit d'auteur des créations. Donc la Cour rappellera qu'elle va casser l'arrêt de la Cour d'appel qui avait au contraire écarté du régime de protection ces photographies de machines, estimant que ces photographies de machines apparaissaient comme beaucoup trop banales, qu'elles ne présentaient pas un caractère artistique. La Cour invitera les juges du fond à bien vouloir considérer l'effort intellectuel comme étant une condition nécessaire à doter d'une individualité le travail accompli, qui est en définitive la condition indispensable pour qu'il puisse y avoir une création. Et la Cour va donc renvoyer le juge du fond et lui l'obligera, renvoyer l'affaire devant le juge du fond, l'obligera à vérifier s'il y a un effort intellectuel. Et si cet effort intellectuel est de nature à adopter l'œuvre d'une individualité, auquel cas elle acceptera effectivement, si c'est oui, le juge du fond devra constater s'il y a une création protégée par un auteur. Et si après avoir utilisé ces critères, ils arrivent à la conclusion négative, ce ne sera donc pas une œuvre au sens du droit d'auteur. Donc cet arrêt est un des premiers arrêts de la Cour de cassation qui sera répété, c'est une réflexion qui sera répétée par la Cour, jusqu'en 2012, où la Cour va oublier une partie des conditions qu'elle avait fixées et qu'elle va réaffirmer fort heureusement en 2014, après avoir été fort critiquée par la doctrine, qui l'a amenée du coup à corriger et à revoir sa copie. On se voit. Alors, j'ai ajouté des séances. Je ne sais pas si c'est très cher. Mercredi, 7 juin.